Donc, monsieur l'ambassadeur, sans qu'il le prince René, retour de l'Élysée, où il avait été rendre la visite officielle, tout est bien fini pour aujourd'hui, mais sans doute, Altesse. Fort bien, je peux me déshabiller, n'est-ce pas? Mais sans doute, Altesse. Alors, dès cet instant, ne vous occupez plus de moi. Encore? Gémit le général Gormaz, repris d'angoisse. Votre Altesse, se troubla l'ambassadeur, compte sortir librement. Pour aujourd'hui, comme dirait Urbain, j'en ai ma claque. Après ces discours officiels, j'ai besoin d'un peu d'oxygène. Ah, si je pouvais me retrouver dans une auberge rustique, sous une petite tonnelle, s'il vous plaît. Non, sourit le prince, vous ne pouvez pas comprendre. Le général et l'ambassadeur échangèrent un regard consterné. Peut-être, sirait-il, risqua l'ambassadeur, que j'entretienne un instant votre Altesse royale de certains faits graves. Oui, je sais, ces troubles en y périt après mon départ. J'ai déchiffré fortuitement cette dépêche ce matin. Prince, j'en ai depuis reçu deux autres. Les choses vont mal. La situation devient inquiétante. On craint des événements graves. Ah, graves. Je sais, hésita l'ambassadeur, je sais, prince, que la sage initiative de votre intendant a placé vos biens personnels, ceux qui vous viennent de votre auguste mère, dans des banques de Londres. Ce fut peut-être là de sa part une louable prévoyance. Oh, fit le prince, songeur, c'est à ce point-là. J'ai eu l'honneur de l'exposer à votre Altesse. Les choses vont mal. Le parti libéral hyperien, dont votre Altesse, souligna l'ambassadeur d'un ton sincèrement contristé, voyez les aspirations d'un œil regrettement favorable. J'ai toujours estimé, en effet, que les hommes doivent vivre indépendants dans leurs pensées et dans leurs actes, sous le seul glaive de la loi. Ce parti, aujourd'hui, continua l'ambassadeur, a provoqué dans le pays une agitation néfaste. Les intérêts de la dynastie sont en jeu. Espérons encore que nos troupes... On a fait charger les troupes, Altesse. Cela a été une pénible nécessité. Oh, j'attends d'autres dépêches, plus favorables peut-être. Devant ces événements et dans cette attente, suggéra en hésitant le général, nous osons espérer que votre Altesse voudra bien prendre la détermination de renoncer à cette sortie particulière qui, j'ose respectueusement me permettre de le faire entendre à votre Altesse, mon vieux Gormaz. Si j'estime que tout homme a le droit naturel de vivre indépendant dans ses pensées et dans ses actes, ce n'est pas pour faire moi-même le sacrifice de ce privilège qui me tient ce soir plus à cœur que vous ne sauriez comprendre. Du moins, Altesse, me sera-t-il permis d'attacher à votre personne discrètement de détective, hein? Quand mes poumons veulent aspirer de l'air libre, que j'ai du rêve plein l'âme et de l'amour plein le cœur, vous parlez d'attacher deux escogriffes à ma personne, eh bien, mon vieux Gormaz, vous en avez de bonnes. 20 minutes plus tard, le jeune prince René, vêtu d'un complet gris, sortait seul de l'ambassade d'Hyperie et gagnait à pied les Tuileries qu'il descendit à travers les bambins joueurs, se dirigeant vers la Concorde. Sur les bancs, dans les allées, des nurses, des mamans, des amoureux, des rapins. Des fillettes donnaient à manger aux moineaux sous l'œil paternel d'un vieux garde qui feignait de ne pas voir, dans une petite allée voisine, un jeune couple se voler quelques baisers. Deux midinettes sur un banc, penchées l'une vers l'autre, mêlaient leurs cheveux et fredonnaient ensemble avec âme la dernière chanson à la mode, dont l'exemplaire à 5 sous s'étalait sur les genoux de l'une. Elles interrompirent d'un commun accord le refrain pour riposter à mitraille au lazy drôle que leur lançait en passant un petit pâtissier. La vie de Paris, le charme de Paris, l'âme de Paris. Le prince huma longuement cette atmosphère où pétillaient des cris de moineaux, des rires de bambins et des chansons de midinette. Le soleil commençait à décliner. Tout là-bas, au bout du mobile ruban sans fin des autos qui glissaient sur les Champs-Élysées, dans une féerique poussière d'or, l'Arc de Triomphe érigeait sa prestigieuse silhouette sur un ciel qu'empourpraient les premières teintes du soir. Comme il débouchait sur la place de la Concorde, un petit crieur de journaux du soir passait en courant. Il l'appela. « Blâ, mon prince !» lança le gamin en lui tendant le numéro. René, à cette appellation courante sur les lèvres d'un gavroche, ne put s'empêcher de sourire amusé. Il jeta les yeux sur le numéro où s'étalait en première page une grosse manchette. La révolution en Hyperie, abdication de Ferdinand III, qui a gagné hier la France. La République est proclamée. Le prince alla un taxi qui le déposa à Neuilly devant un petit hôtel particulier où il sonna. Qui dois-je annoncer ? Sans qu'il y ait la femme de chambre qui vint ouvrir. « Monsieur René !» dit simplement le prince. L'instant d'après, la porte d'un coquet salon refermée, ses bras se fermaient sur Maryse, qu'il serrait avec un amour éperdu contre sa poitrine. « Monsieur René !» sourit Maryse, à travers les baisers ardents qui dévoraient son visage. « Oui, mon adoré, oui, c'est mon seul titre désormais. N'as-tu pas lu les événements d'y Péry ? Mon aimé, hélas !» « Comment ça, hélas, tu perds un royaume ? Mais je le trouve contre un paradis !»